sur les grises de la rue. Ensemble, communion maintenant, l'événement présent. Les communions ensemble, pour la venue, la réunion de ce groupe qui n'a encore pas de nom, comme un nouveau-né. Hétéroclites, mais non sans talent. Des bassistes qui ont été guitaristes, des guitaristes qui ont été guitaristes, des batteurs un peu bassistes, des gens qui font un peu. Ce serait trop long à dire. Des filles qui chantent, mais qui chantent pas. Thank you. caresse de bébé. Oh,